Dis une couleur. Allez, rouge, orange ou vert. Cette fois, c'est toi qui choisis. Celui-là ? La petite bande ou je n'en ai pas fini avec la folie. Ah, l'entrée au collège. Épisode 2. Comme ça me semble loin. J'étais obligée de prendre le bus. Je n'avais quasiment aucun ami de primaire avec moi. Je m'habillais la veille et je dormais avec mes habits jusqu'au lendemain, à la sonnerie du réveil. Je ne me suis pas fait attraper par les parents. Moins une. Ça a duré toute l'année. Ça en dit long sur le stress dans lequel j'étais en permanence. Check-up. Qu'est-ce qui te manque ? J'ai l'agenda, ma trousse. Ah ! La carte de bus ! Et voilà. La voilà, sur le tabouret. Merci qui ? Merci Pierrot. Tu vas t'habiller comme ça ? Oui, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, non, rien ! J'aime bien le bleu, j'aime bien le vert. Justement ? Tu pourrais mélanger un peu ? Regarde, cette jupe et ce haut, ça sera parfait. Ça fera moins... gamine. Le car va passer, il faut que j'y aille. Comme tu veux. On t'aura prévenu. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, vous me laissez gérer toute seule, hein ? C'est vrai qu'ils avaient des bonnes idées quand même. En raconté comme ça, on se dit que c'est pratique d'avoir une aide vestimentaire interne. C'est pourtant une des rares fois où ils ne se sont pas embrouillés les uns avec les autres. Ce premier jour, il y avait quelque chose comme une unité. Heureusement, car j'en avais bien besoin. C'est le premier jour. Et quasiment personne de l'école avec moi. Ah si, Martin. Mais Martin, comment dire, il ne me sera d'aucune utilité, d'aucun soutien. Il va me falloir me débrouiller toute seule et tout apprendre. Les codes, les codes, les codes. Ça n'a jamais été mon fort, plutôt ma hantise. Suivre le troupeau. Escalier, escalier, couloir, escalier. Les profs défilent devant nous. C'est bien l'effet que ça me fait. Un défilé. Il y a ceux qui se planquent derrière leur cahier de texte, derrière leur discipline, derrière leur robe à fleurs. Et il y a ceux qui se montrent devant nos yeux de 11 ans, devant le tableau noir devenu scéno pour leur show. Première récréation. Sonnerie d'aéroport stylé. Diminuer la pression et chercher ces satanées toilettes. Couloir, escalier, couloir, droite, gauche. Je m'enferme. Ne plus être sous aucun regard. D'abord et avant tout. Je les sens prêts à jaillir dans ma tête. Je préfère prendre les devants. Vous êtes gentil, la petite bande, d'accord ? Vous me laissez souffler. Et qui ne peut pas s'en empêcher ? Pimp, bien sûr. Alors, c'est comment ? Pimp, qu'est-ce qu'on avait dit ? Juste comme ça ! Après, promis, j'arrête ! Tes premières impressions ! Justement, il y en a trop. Je n'arrive pas à faire le tri. Ça va aller, ça va aller. La journée est presque finie. Tu parles. C'est la récré du matin seulement. En tout, les cas, tu n'as pas eu de remarques. C'est bien ça, hein ? Oui, pour l'instant. Tu sais te faire discrète, sans t'effacer. Bon point. Merci pour les encouragements. Et maintenant, plus un mot, d'accord ? Il faut que j'y retourne. Thank you. j'ouvre la porte des toilettes pour sortir et je tombe nez à nez avec une grande fille. C'est en sixième, ce morceau. Alors, tu parles toute seule, Miss Smith? Tu criais ta mère, c'est ça? Elle est tellement grande comparée à moi. Elle a des jambes qui montent jusqu'à ma taille. Elle m'empêche de sortir des toilettes. Est-ce que j'ai parlé à voix haute? Normalement, je fais attention à répondre aux uns et aux autres dans ma tête. Mais peut-être que cette fois, cela m'a échappé. S'il y a bien une chose que je ne peux raconter à personne, et encore moins à une fille de mon âge, c'est bien ça. L'existence de Pimprenel, Pierrot, Catherine, Joseph, Féroce et Ombre. Enfin, l'existence. Je la pousse pour sortir, tranquillement, mais sûrement. Je les entends faire des commentaires. Je sens que je vais exploser. Pourquoi c'est si compliqué? Non, mais vise ce gabarit. Les girafes, c'est aux os. Mais comment elle te parle? Elle se prend pour qui celle-là? Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Ignore-la. Pousse-la encore! Oui, plus fort! Pour leur parler à la petite bande, c'est dans ma tête que ça se passe. Je dois m'arrêter de faire des mouvements et je dois me concentrer. Bref, devenir immobile. Dans la situation où je suis, ce n'est pas évident. Au milieu des WC, toute raide dans ma jupe verte comme de la mousse sur le carrelage blanc, je me détourne de la grande fille et je leur parle. Et cette fois, je suis sûre qu'on ne m'entend pas. Tu ne vas pas te laisser faire. Éclate-lui sa grosse tête sur le lavabo. Et bam, et bam, et bam. Oh là là, allez, il faut que j'arrête de regarder des films d'action, ça vous porte sur le système. Hein. Maintenant, vous allez m'écouter. Je ne veux plus vous entendre, plus un mot. Plus un mot, j'ai dit. Faut que j'y retourne. Elle était toujours plantée là, sur ses deux grosses jambes qui m'arrivaient au coude, au moins. J'ai redit, à voix haute, cette fois, faut que j'y retourne. Elle a juste ricané comme si j'avais dit une plaisanterie irrésistible. Avec tout ça, je n'avais pas vraiment pris mes repères. Droite, gauche, escalier, couloir, escalier, et puis... Est-ce qu'on était toujours dans la même salle? Est-ce qu'on avait changé de salle? Comment le savoir? Il y avait bien des chiffres écrits sur la porte de la salle, mais lesquels? J'essaie de les visualiser. Ils flottent devant mon nez, se mélangent, se rassemblent, se mélangent à nouveau. Vous ne vous rappelleriez pas les chiffres écrits sur la porte de la salle, par hasard? Il y avait un 4, un 2 et un 7, non? Un 5 et 3, non? C'était écrit 247. N'importe quoi! C'était écrit 235! Je parie sur 247... Faites vos jeux. Quand je me demandais à quoi ils pouvaient bien servir, eh bien voilà. C'est le genre de service qu'ils peuvent vous rendre. Hyper efficace, comme tu peux en juger. 50-50. Bon, on va essayer 247. Merci. Et maintenant, on se tait. Thank you. La récré était finie depuis longtemps. Couloir, couloir, escalier, couloir, et me voilà devant la 247. Bien joué, la petite bande. Évidemment, la porte est fermée. J'ouvre et je me dirige à ma place, enfin celle que j'occupais avant la récréation. Stupeur. À l'autre bout de la table, je vois toute dents dehors la fille aux grandes jambes des WC. Je m'assois et je recopie l'emploi du temps de la journée du lundi que j'avais loupé. Un gros chute intérieur se répand dans mon cerveau alors que j'entends les chuchotements très, très exclamatifs de la petite bande. La grande fille veut m'emprunter mon meilleur feutre. Elle m'a parlé. Et normalement. Mais oui, bien sûr, le voilà. Surtout, diplomatie. Il ne sera pas dit que je me serais fait une ennemie dès le premier jour du collège. J'entends les murmures de la petite bande dans ma tête. Il joue le jeu. Ouf. Somme toute banale, non? Une rentrée semblable à une autre. À part que mes habitants aussi faisaient leur rentrée. Après m'avoir bassiné tout l'été, du matin au soir, voilà qu'ils mettaient un peu de discipline dans leurs interventions. Je ne connaissais pas bien Féroce et Ombre, arrivés tous les deux il y a quelques mois à peine. Ils sont bien plus matures que les autres. Je crois qu'ils ont une très bonne influence sur la bande. Pierrot est un chien fou. Pimprenelle, une chouineuse de première. Catherine et Joseph, deux garnements toujours prêts à souffler les pires bêtises. Féroce et Ombre me resserrent tout ça d'un peu près. Ma petite bande. Les voilà au complet. J'espère. Je vais redouter mes 13, mes 15 ans. Et si ça ne s'arrête jamais plus, s'il en arrive une dizaine en une fois, comment je vais faire? Il ne m'en faut pas plus, pas un de plus. Parfois, je voudrais tout éteindre là-haut et dormir. Dormir. Je suis une ville à moi toute seule.